Bonjour amis Verseau, je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage de l'oracle de Béline. Et donc, c'est pour le mois de septembre 2023, donc je suis revenue à un tirage général, car c'est souvent un nouveau cycle, hein, la rentrée de septembre pour beaucoup d'entre nous. Donc on va regarder de quel domaine veut vous parler l'oracle de Béline. Donc pour les Verseau et ascendant Verseau 2023. Septembre, septembre, septembre. Bon, ben, ça parle d'une envie certainement par rapport à des projets qui n'ont pas abouti. Vous avez envie de reprendre justement, de relancer de nouvelles initiatives. On va voir le tirage, mais ça peut vous dire également que voilà, il faut laisser tomber les projets qui n'ont pas abouti et vous commencez vraiment un nouveau cycle. Donc, lancez de nouveaux projets plutôt. Voilà, déjà, il y a un conseil dans la coupe. Mais on va voir le tirage. J'espère que il sera en adéquation avec la coupe. Oui, ça parle de ça. On va voir la suite. Ah oui, patience, d'accord. Je voudrais quand même du coup. Oui, d'accord. Ça va revenir. Vraiment, ça dépend de vous. Hein. Voilà, j'en étais sûre. Ça confirme la coupe. Vous pourriez avoir en septembre une déception par rapport à un contrat qui tombe à l'eau, que ce soit financier, que ce soit professionnel. Il y a quelque chose qui n'aboutit pas. Et donc, c'est vrai que bon, il y a la clé qui rayonne sur le jeu qui indique que de toute façon vous allez vous en sortir, mais il faut accepter cette déception et vraiment il va falloir patienter un petit peu par rapport à on va dire avaler, il va falloir digérer ce contrat qui tombe à l'eau ou cet avantage financier que vous pensiez obtenir. Donc là il y a une déception. Un projet aussi qui tombe à l'eau, peut-être. Donc, il faut l'accepter. Pourquoi? Parce que derrière, si vous vous butez, eh ben, vous allez perdre du temps, tout simplement. Parce que là, on vous dit, en gros, c'est mort. Il faut laisser tomber. C'est ça, le message. Et derrière, par contre, vous devez vraiment vous battre. Vous avez toutes les qualités, le potentiel pour et l'énergie, la fougue, pour relancer un nouveau projet, une nouvelle initiative. Trouver un nouveau travail, un nouveau contrat financier, etc. Quoi que ce soit, en tout cas, laissez tomber, tournez la page et lancez-vous vers du neuf parce que là, vous avez toutes les chances de réussir. En tout cas, je vous souhaite un bon succès par la suite et ne restez pas bloqué suite à une déception au mois de septembre. En tout cas, je vous souhaite une belle rentrée.